je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Parole céleste. Je bénirai, je bénirai, je bénirai, je bénirai, sois bénie.